Algérie, en Coupe du Monde au Brésil. Je suis ce soir, je suis un warrior, appelle-moi Stephen Curry. Je suis je sors de deux heures de sport, ramène-moi des cheerleaders. Je suis comme ce grand blondinier énervé contre Freezer. Je suis ce soir, je ne joue pas, mais je repars avec les trophées. Je suis tu m'appelais Kirikou, ce soir, je suis John Covey. Je suis comme la sœur de Beyoncé dans l'ascenseur avec Jay-Z. Je suis ou comme les trois petits à 6 heures du mat sur mon lit. Je suis je sens que je vais briller, ce soir, je marche sur l'eau. J'ai l'impression de planer, regardez d'un hublot. Si tu me croises, rien. I love it.

non-stop. Hip hop. Hip hop. Hip hop and R&B. Skyrock. Skyrock. I'm not afraid. Yeah. It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place. If you're trying to get out, just follow me. I'll get you there. You can try and read my lyrics off of this paper before I lay them, but you won't take the sting out these words before I say them. Cause be what I set out to be, without a doubt, undoubtedly. And all those who look down on me, I'm tearing down your balcony. Knowing fans are bust, don't try to ask him why, how can he? From infinite down to the last relapse, album, he steals. Forget the earth, he's got the urge to pull his dick from the dirt and fuck the whole universe. Cut the crap. I shouldn't have to rhyme these words in the rhythm for you to know it's a rap. You said you was king, you lied through your teeth. For that, fuck your feelings. Instead of getting crowned, you're getting capped. And to the fans, I'll never let you down again, I'm back. I promise to never go back on that promise. In fact, let's be honest, at last we laughed. CD was aired, perhaps I ran them accents into the ground. Relax, I'm still trying to figure this crap out. Thought I had it mapped out, but I guess I didn't. This fucking black cloud still follows me around, but it's time to exercise these demons, these motherfuckers. Get clean, I did it for me. Admittedly, I probably did it subliminally for you, so I could come back a brand new me. You helped see me through, and don't even realize what you did. Note Fred d'Eminem sur Skyrock. Vous êtes dans les caisses, à la maison, les quelques-uns qui taffent également le dimanche soir. On se fait une grosse grosse soirée de son. Il y a Rail Suprême, l'émission Rail de Skyrock, à pas louper tout à l'heure à partir de 22h. Il y aura Fred, il y aura DJ Amida également ce soir, et puis DJ Case bien évidemment aux platines de Skyrock. Rihanna, Calvin Harris, c'est reparti, toute nouvelle heure de son. On y va tout de suite. SCH le Marseillais également avec Allo Moment, et le son de la New Yorkaise Alicia Keys avec In Common. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves, and everybody's watching her, but she's looking at you. Okay.

is what you came for. Lightning strikes every time she moves. Came For de Calvin Harris avec Rihanna sur Skyrock. Rihanna qui a enflammé le stade Pierre-Mauroy à Villeneuve-d'Ascq au mois de juillet, le grand stade de Lyon et le stade de France à Paris-Saint-Denis avec Skyrock. Il y a plein d'infos, des vidéos à retrouver sur tous les réseaux sociaux de Skyrock. Là, on laisse l'antenne à Fred, DJ Kays et DJ Amiba pour Aïe Suprême. Et moi, je vous file rencard demain matin, 6h-9h, Morning Best avec les meilleurs moments du Morning de Difool. Dernière semaine pour se faire les meilleurs moments de l'émission avant le grand retour de Difool et toute l'équipe en direct pour le Morning. Ça sera le lundi 29 août entre 6h et 9h. Et puis la radio libre aussi de retour en direct à pas louper demain soir. Ça sera à partir de 21h le grand retour de Difool, Romano, Lamari, Samy, Karim et Cédric le Belge. Voilà, là c'est parti. Fred, DJ Kays et DJ Amiba. Mida, c'est Rail Suprême maintenant sur Skyrock. Passe de bonnes vacances. C'est Rail Suprême sur Skyrock. Are you ready? Let's go! Rail Suprême. 2h, DJ Kays, d'ambiance avec tous les sons du moment. Sur Skyrock. Are you ready? Skyrock et dimanche soir, rendez-vous avec Rail Suprême. Il est là, DJ Kays, comment va? Ça va très très bien. Et là, ce soir, attention. Là. Au top du top. Ouais. Ce soir, on a invité son confrère DJ. Un confrère DJ. C'est vous, d'ailleurs, vous deux, vous poussez depuis un sacré moment aussi. Ouais, depuis quelques années. Ouais. Depuis quelques années, cette culture, ce métissage aussi qui existe sur vos albums. Amida est là de retour, ça va bien? Salut Fred, ça va ou quoi, tranquille? En pleine forme? Très très bien. Bon, ça va tous les deux, pas de problème, pas de non, question jamais. D'ego, de qui est le plus fort, qui fait le plus de soirées, qui. Non, on est booké par le même mec, donc ça va. Ah, c'est vrai. En même temps, ça aide. Bon, bah, bienvenue. Tout à l'heure, Amida, tu nous feras une session mixée. Avec plaisir. Donc, Kays, tu vas y aller tranquille ce soir. Hein. Ouais, tranquille. Bah, on est là, on l'a invité. Et là, il va pouvoir s'exprimer ce soir musicalement pour les auditeurs de Rail Suprême. En toute détente. C'est ça. La mix partie 2016 sera donc à l'honneur tout à l'heure. D'ici là, tu vas nous débuter avec une première session. On pourra retrouver quoi dedans, Kays? Nouveauté, classique? Nous, ouais, pareil. Ouais, ambiance soirée. On va ambiancer. Ce soir, Amida, il est à l'honneur. Donc, on va le laisser après mettre le fire. Eh bah, très bien. Ne bougez pas. Deux DJ pour le prix d'un sur Skyrock, mesdames, messieurs. Deux DJ pour Champions le prix d'un. Ce soir. C'est la finale ce soir. C'est ça. Envoyez des messages, bombardez de messages. Le hashtag c'est Rail Suprême sur Skyrock. Le coup d'envoi est donné par DJ Kays. Et puis Amida, on le retrouve juste après. C'est parti. Tous les sons de Rail Suprême en direct sur Skyrock. On met le boule, on connaît la cour. قدمتي

Donc ne me prends pas la tête. Je vais te faire planer même sans pilon enfoiré. Pas la même planète, pas le même filon enfoiré. Aucun mytho, il a revu chez nous, y'a aucun mytho. Aucun mytho, il a revu chez nous, y'a aucun mytho. Petit millésime. شحكي هاد الحالة قطعت بحور ثماني دور والغربة قد تهالة ما بكي نبكي وأقول على شحكي هاد الحالة بركاني يا العالي من اللي تحداني غريب وبراني كل ديرانة فكرت بلادي وعيت النادي سهر ربي مدانة بركاني يا العالي من اللي تحداني غريب وبراني كل ديرانة فكرت بلادي وعيت النادي سهر ربي مدانة entre Mohamed, Moussa et Abed. Trop fier d'être la fierté de mon bled. Salut au président, ça coule dans sang comme dans sang, puis en sang. J'ajuste la crosse en dansant, pensant au notre pays. Si avant l'âge tu vis, ils veulent donner des ordres, y'a que les vendus qui obéissent. Dans les gardes, on s'éternise, on croit pas valer du râle. Mais putain, son sternis, c'est que des meurs qui font bras. Y'a pas le drap, pas ton délire ou t'admirer. Tu menaces pas, après je m'en irai. Vivant, on y pite, faut en garder l'espoir. Comme nos grands-pères en première ligne, on défoie l'histoire. On s'en pétard, écrit qui en tranche. Pour ceux qui quittent leur famille en sanglant, rentrent en France. On les tient là-bas et se confie à Dan Hussley. Tu sais que le chef du chef, il s'appelle Hussley.